cours numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. أخذنا في درسنا الأخير اسم الله عز وجل الخبير. من يذكر دليلا على هذا الاسم؟ تفضل. أحسنت. إن الله عليم خبير. وما معنى الخبير؟ عندما تفضل. نعم، الخبير أي أن الله عز وجل يعلم كل شيء، علمه أحاط كل شيء سبحانه وتعالى، الظواهر والبواطن. هذا ressemble à اسم العليم. C'est pour ça que Cheikh Saadi rahimahullah, il a cité les deux noms ensemble, Al-Alim ou Al-Khabir. Aïe, celui qui sait tout, subhanahu. Wa dhakarna ba'd al-athar, aïe, an al-iman bi hadha al-ism. Fa'inda man? Tfaddal. نعم، لأن الله عز وجل يعلم ما يفعل هذا الإنسان. فسا va pousser cet homme ou cette femme à craindre Allah subhanahu wa ta'ala أكثر. لماذا؟ لأن en se rappelant le sens de ce nom, هذا الاسم العظيم، أن الله عز وجل سي الخبير سي العليم، لا شك أن ça va aider ce مؤمن à s'écarter des péchés et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله أكبر واعظ وأعظم زاجر أو كما قال رحمة الله عليه. نعم، قال رحمه الله وأجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر. هذا بإجماع أهل العلم. فما معنى قوله أكبر واعظ وأعظم زاجر؟ عند من؟ أعظم أو كما أصبح أكبر واعظ عند من؟ تفضل. نعم، كنا سلمو موعظة. موعظة سي لو رابل، كما سيغسمبل نصيحة، سيغسمبل تذكرة. فمما يتعظ به الإنسان، il y a plusieurs choses qui vont l'aider à se rappeler, à le remettre en question, à ne pas oublier. فأكبر هذه المواعظ أكبر واعظ سفهم هذا معنى هذا الاسم، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. ثم ça va appliquer ما ذكرتم أن الإنسان يسيقع des péchés إلى آخره. Il fait des efforts في الطاعة. وأعظم زاجر، فما معنى زاجر؟ ها؟ أحسنت. الذي يمنعك، تدي مثلا أبوك يزجرك عن هذا، c'est le fait de insister pour ne pas faire une chose. تزجر ولدك، et tu le mets en garde, tu lui rappelles أنه il ne faut pas faire cette chose. لماذا؟ لأنه ça va lui faire du mal. Ça peut être un être humain, ça peut être un livre que tu lis, ça peut être une chose que tu vois, quelque chose qui va te rappeler. فأعظم زاجر، أي les choses qui vont t'empêcher de faire une mauvaise un péché, une mauvaise chose, il a encore, c'est معna هذا الاسم العليم والخبير. هذا معنى كلامه رحمة الله عليه. قال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذو الجلال والإكرام، هذا من الأسماء المضافة. وتقدم معنا أن كثيرا من أهل العلم يثبتونها لله عز وجل، ومنهم المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهكذا سنلاذ الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. والدليل على هذا الاسم قوله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام. وبعض العلماء يقولون أن هذه سدي أوصاف، والذي يظهر أنه اسم، والله تعالى أعلم. أما المؤلف celui qui a rassemblé les paroles de Cheikh Saadi فلا يثبت هذه الأسماء المضافة. على كل حال من أسماء الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. قوله ذو أي صاحب، ذو الجلال أي صاحب الجلال، أي الله سبحانه وتعالى الجلال والإكرام. فذو هنا بمعنى صاحب، ذو الجلال والإكرام. أما الجلال فتقدم معنى اسم الجليل، ذو الجلال أي celui qui a c'est comme الجليل، صفة الجلال. فذو الجلال فالحقيقة المعاني كنا سيتي عند اسم الجليل، وهذا تقدم معنا صفحة 47 باش 47. قال رحمه الله الجليل الكبير. On avait précisé dans un درس précédent عند اسم الجليل أن الجليل لا هذا الاسم لا نعلم دليلا عليه، وبعض العلماء يثبتونه، لكن الصحيح سك لا بد من دليل صحيح. أما المعنى كنا بيلو في الجليل فسلا من معنى هنا pour الجلال ذو الجلال. Et on avait dit يغني عن هذا الاسم أي من حيث المعنى اسم الكبير والعظيم. Et c'est de nous Inch'Allah Ta'ala on les verra bientôt ensemble dans ce livre. هذا ما يتعلق بقوله ذو الجلال. أما والإكرام فسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. قال رحمه الله ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء. Donc vous faites le lien avec deux autres noms qu'on n'a pas encore étudié ensemble. اسم العظيم واسم الكبير. ذو العظمة والكبرياء. À chaque fois on répétera ces sens. قال وذو الرحمة والجود. وهذا سيأتي معنا قريبا بإذن الله عز وجل اسم الرحمن والرحيم. أما الجواد فتقدم معنا ذو الجود، وتقدم معنا أنه يحتاج إلى دليل. قال والإحسان العام والخاص. وهذا كذلك تقدم معنا، تذكرون عند اسم البر، البر والوهاب والكريم. الكريم on avait cité هذه المعاني من كلام الشيخ سعدي page 41. قال رحمه الله من أسمائه تعالى البر والوهاب والكريم. ثم إلى cité بعد ذلك قال وإحسانه عام وخاص. وإحسانه عام وخاص. وهنا قال والإحسان العام والخاص. فسي exactement le même كلام. الإحسان العام c'est pour جميع المخلوقات. الله سبحانه وتعالى يحسن إلى الجميع، أي avec la nourriture, avec la vie, avec des enfants, avec de l'argent إلى آخره. Tout ça c'est من الله. فيحسن إلى الجميع. الإحسان الخاص c'est pour المؤمنين. C'est comme الهداية العامة والخاصة. هذا on l'a vu كثيرا. هداية عامة أي pour جميع الخلق. الله il a guidé tout le monde. حتى الحيوانات même les animaux. Chacun il sait ce qu'il doit faire. مثلا هذا il veut manger il mange. هذا il veut boire il boit. الله سبحانه وتعالى il a créé le جميع. والهداية الخاصة أي الهداية إلى الإيمان. وهذه هداية خاصة pour les croyants, pour المؤمنين. فهنا c'est la même chose. كذلك الرحمة عامة وخاصة. رحمة miséricorde pour toutes les créatures. ورحمة خاصة pour المؤمنين. وهذا تقدم معنا كثيرا. قال المكرم لأوليائه وأصفيائه الذي يجلونه ويعظمونه ويحبونه. على كل حال هذا الاسم ذو الجلال والإكرام revient à deux معاني. دو معاني ذكرهما الخطابي رحمة الله عليه، ونقل كلام الخطابي الشيخ عبد الرزاق في فقه الأسماء الحسنى page 368, tout à la fin du livre, la dernière page ou l'avant-dernière page. قال الخطاب رحمه الله في بيان المعاني التي يحتملها هذا الاسم أي ذو الجلال والإكرام والمعنى أي le sens de ce nom أن الله جل وعلا أو جل وعز مستحق أن يجل ويكرم فلا يجحد ولا يكفر به. Ça c'est le premier معنى. Vous avez remarqué que الفعل il est من العبد. L'action, c'est l'être humain qui va la faire. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dhul Jalal wal Ikram, ay yastahiq al Ijlal wal Ikram. Al Ijlal wal Ikram, ay on doit aimer Allah, on doit le respecter, on doit lui obéir, on doit se soumettre ila akhiri. Limadha li annahu c'est Dhul Jalal wal Ikram. Al Ikram, c'est l'azim, c'est le kabir, c'est le muta'al, subhana. Qala, on répète, mustahiqun an yujal wa yukram. فلا يجحد ولا يكفر به يجل هذا معروف أي on doit عظم الله سبحانه وتعالى لماذا c'est العظيم لأنه c'est العظيم جل وعلا et Allah سبحانه وتعالى c'est le غني c'est le كريم il a besoin de personne il a pas besoin de notre إجلال de notre إكرام لأنه c'est le غني لكن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالطاعة فهذا الإجلال والإكرام سبطاعة الله سبحانه وتعالى وإلا فالله سبحانه وتعالى il a pas besoin de nous il a pas besoin de notre obéissance لكن vu que c'est ذو الجلال والإكرام c'est العظيم c'est الكبير سبحانه en tant que créature الله سبحانه وتعالى il nous a créé on doit respecter on doit se soumettre on doit donner de la valeur à هذا الدين et à tous les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier معنى. قال وقد يحتمل أن يكون المعنى. Ça c'est le deuxième. أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم. تأملوا هذا. الفعل الآن c'est من الله. C'est Allah subhanahu wa ta'ala يكرم. أي c'est Allah subhanahu wa ta'ala il élève et il donne à ses awliyas, à ses alliés. Il les élève en degré et il les guide et il leur donne du ilm et il leur permet de discerner entre le bon et le mauvais, le vrai et le faux. At-tawhid wa shirk, sunnah wa bid'ah. Tout ça c'est min ikram Allah subhanahu wa ta'ala li 'abdihi al-mu'min. Donc ça c'est le deuxième sens. Qala wa yujilluhum bi an yataqabbal a'malahum wa yarfa' fil jinan darajatahum. أو درجاتهم وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين وهو الجلال مضافا إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى الصفة له والآخر مضافا إلى العد بمعنى الفعل منه donc إما le sens c'est une صفة parmi les صفات d'Allah سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام وهذا لا شك فيه لأن الشك نو يغفر من صفة فالله سبحانه وتعالى له صفة الجلال والإكرام c'est ذو الجلال والإكرام Et le nom c'est Dhul Jalali wal Ikram. Amma ism al-Jalil va la dalil alayhi kama taqaddam. Et كذلك on a cité des autres noms qui sont proches fi al-ma'na al-kabir wal 'azim. Et كذلك anna al-insan al-ikram wal jalal yudaf ilayhi. Bima'na al-fi'l minhu. Al-fi'lu minhu ay min al-'abd. Ay anna al-'abd la bud an يجل ويكرم الله سبحانه وتعالى avec الطاعه en obéissant en se soumettant من اجلال الله سبحانه وتعالى مثلا on peut donner un exemple ان الانسان qui respecte et qui donne de l'importance à الله سبحانه وتعالى انه il fait pas passer la parole d'un autre avant un حكم d'Allah سبحانه وتعالى فسي الله عز وجل il a ordonné de faire telle chose et une créature quelle qu'elle soit Elle nous dit là, il ne faut pas le faire. فَمِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى C'est qu'on obéisse à Allah Azza wa Jal. فَلَا طَعَلِي مَخْلُوق فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ On n'a pas le droit de délaisser les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala pour un autre. هذا c'est un مثال بإذن الله عز وجل qui éclaircit هذا المعنى. Donc, on a ces deux معاني. Et في الحقيقة, الشيخ سعدي les a cités. On répète كلام الشيخ سعدي قال ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والجود والإحسان العام المكرم لأوليائه الفعل من الله من صفة أنه يكرم ذو الجلال والإكرام. Donc ça revient à كلام الخطابي la deuxième معنى qu'il a cité أن الفعل من الله المكرم لأوليائه وأصفيائه. الأولياء c'est le pluriel de ولي, les alliés d'Allah سبحانه وتعالى. والأصفياء c'est ce que Allah سبحانه وتعالى il a choisi من عباده المؤمنين. المصطفى c'est celui qui a été choisi, الاصطفاء. فالأصفياء c'est ceux qui ont été choisis من عباد الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يكرمهم, il leur donne, ça ressemble à اسم الكريم, c'est le même أصل الكرم. فالله سبحانه وتعالى يكرم من يشاء من عباده. مثلا un عبد كلام, il va lui donner la guidée, il va lui donner العلم, il va lui donner le discernement, il va lui faciliter كذلك في دنيا, il va le préserver de ses ennemis, وهكذا. Tout ça c'est من إكرام الله سبحانه وتعالى. ثم قال الذي يجلونه ويعظمونه ويحبونه. Ça c'est فعل العبد. يجلونه ça vient de الجلال, أي هذا الفعل من العبد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. Donc نحن لابد أن نجل الله سبحانه وتعالى, et on doit respecter Allah subhanahu wa ta'ala, respecter ses commandements, l'aimer et ne pas faire passer une chose avant les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on répète, هذا سبب الكلام فقط, هذا ça doit être avec le cœur, et le cœur il va pousser les membres بإذن الله عز وجل à appliquer ces choses. Et قوله يجلونه ويعظمونه ويحبونه, ça c'est الثمرة, c'est ça le fruit de هذا الاسم. Si on a compris هذه المعاني, vu que ce عبد مؤمن il va avoir la conviction أن الله عز وجل c'est ذو الجلال والإكرام, donc ça va impliquer أنه يجل الله سبحانه وتعالى ويحب الله سبحانه وتعالى, كذلك يجل ويعظم دين الله سبحانه وتعالى. Penser que le Coran est plus applicable à notre époque, c'est pas min al-ijlal, bel c'est min al-kufr, c'est de la mécréance. Penser qu'à notre époque, il y a une meilleure voie que la voie du prophète alayhi salatu salam, c'est pas min ijlal dinillah, bel c'est min al-ihana, c'est min al-kufr, c'est de la mécréance. Donc, هذا الاسم العظيم, son sens il est clair, الان, on a cité deux معنas, ça peut être min وصف الله عز وجل, ça peut être min فعل العبد. Et en fait, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il a cité les deux. Et ça va impliquer des choses de très très importantes. C'est pour ça qu'on ne va pas s'attarder. Ism al-Jalil, il n'est pas thabit, mais le sens. On avait détaillé qalilan. Et ma yata'alak bil karam, ism al-Karim, on avait détaillé kadhalik. On avait détaillé ism al-Karim avec اسم البر والوهاب, تذكرون page 41. قال رحمه الله الرؤوف أي شديد الرأفة بعباده. الرؤوف يتضمن صفة الرأفة. الرؤوف ça vient de الرأفة, والرأفة علماء اللغة يدفنيزوا الرأفة كما جاء في الصحاح, un livre en langue arabe. الرأفة أشد الرحمة. الرحمة il y a plusieurs niveaux. وأشد الرحمة أي la miséricorde la plus forte en arabe, ils disent الرأفة. فالرؤوف والرحيم والرحمن c'est des noms qui se ressemblent في المعنى. فالرؤوف c'est بمعنى الرحيم, لكن الرؤوف c'est plus fort. قال الرؤوف أي شديد الرأفة بعباده. شديد الرأفة أي شديد الرحمة بعباده, فمن رأفته ورحمته. فسي pour ça que الشيخ سعدي رحمة الله عليه هنا il a cité الرحمة. لماذا؟ لأن الرأفة والرحمة ça se ressemble. بهم أي من رأفته ورحمته بهم أي بالعباد, أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها. من رحمة الله عز وجل ومن رأفته سبحانه أنه il a donné beaucoup de ni'am à ses serviteurs. Ni'am par rapport à dunya, dunyawiyya wa ni'am diniyya. Fa kam min ni'am. Tout ce qu'on profite de cette dunya, n'importe quel humain, c'est min ni'am Allah azza wa jalla. Commence par l'oxygène, l'eau, la nourriture, les vêtements, toi-même, Toi-même, tu es une créature parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal. قال ومن رأفته توفيقهم القيام بحقوقه وحقوق عباده. Et ça, c'est من رحمة الله عز وجل. Et on ne doit pas oublier هذا. أن tout ce que tu fais comme effort dans ton دين, que ce soit في العلم أو العمل, que ce soit من الواجبات أو النوافل, les obligations أو les adorations recommandées, que ce soit في السر أو في العلن, quand tu es en public ou tout seul, tout ça c'est min ra'fatillahi subhanahu wa ta'ala bik. Tout ça c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui t'a facilité. Comme les gens, ils n'arrivent pas à faire les cinq salawat. Anta Allah subhanahu wa ta'ala min rahmatihi annahu t'a guidé, t'a facilité. Et alhamdulillah, tu fais les cinq salawat. Et rubbama tu rajoutes. Qala wa min ra'fatihi tawfiquhum al-qiyam bi huquqihi ay bi huquqi Allah azza wa jalla. On a donné l'exemple avec salat wa huquq ibadihi كذلك, le droit des autres êtres humains, des autres créatures. Tout ça c'est min tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une rahma pour ce 'abd. Naka tu respectes tes parents, naka tu respectes les gouverneurs, naka tu aimes les savants, naka tu fais pas de mal aux autres créatures, bi ghayri haqq. Tout ça c'est une ni'ma من نعم الله عز وجل. قال ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد كما قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هذا اسم النعم عظيمة أن الله عز وجل il nous a prévenu, il nous a informé أنه il a créé النار l'enfer. Et il nous a montré les œuvres qui poussent à entrer en enfer. Al-shirk, iyadam billah, wa ma doun al-shirk min al-ma'asi. Tout ça, c'est des causes. Celui qui ment à al-shirk, fa'Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru al-shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Amma les autres péchés, comme ta'lamoun, c'est tahta al-mashi'a. Fa'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé. Dhalika yukhouifu Allahu bihi ibadah. Combien de versets finnar, combien de versets anna on ne doit pas faire telle chose. Wa hakada sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Combien de hadith anna telle chose on n'a pas le droit. Anna telle chose elle nous fera du mal fi dunya wa fi al-akhirah. Tout ça c'est min ra'fatillahi azza wa jalla wa rahmatih. Wallah subhanahu wa ta'ala qadirun de châtier tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a de compte à rendre à personne kama taqaddam ma'ana la yus'al amma yaf'al. Personne n'interrogera Allah subhanahu wa ta'ala lakin لتمام رحمته وعدله عز وجل أنه il nous a créé, il nous a montré le bon chemin et le mauvais chemin, et il a créé le paradis al-jannah pour ceux qui lui obéissent, et il a créé النار l'enfer pour ceux qui lui désobéissent, et il nous a montré. فمن شاء منكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire il ne croit pas. Et تقدم معنا أن هذا c'est من باب الزجر, c'est une menace. فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. Donc, il a informé أنه il a créé l'enfer pour ceux qui lui désobéissent. فَعَلَى كُلِّ حَالٍ le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a montré الطريق وَيُخَوِّفُنَا. Allah subhanahu wa ta'ala il nous cite مثلا tout ce qui est lié à l'enfer pour nous faire peur, pour qu'on s'écarte. On s'écarte de la désobéissance خَاصَةً الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, et on lui obéit عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ فَرَأْفَتُهُ وَرَحْمَتُهُ سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات ورأفته ورحمته وحذرتهم من الطرق التي تقضي بهم إلى المكروهات. صحيح. فرأفته ورحمته la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le chemin pour pouvoir faire partie de ceux qui vont profiter de هذه الرحمة en lui obéissant subhanahu. قال وحذرتهم من الطرق et كذلك رحمة الله سبحانه وتعالى أنه nous a montré les chemins qui poussent à l'égarement et au châtiment حتى on s'écarte. هذا c'est un فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى وأكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة. On doit دائما être reconnaissant envers Allah سبحانه وتعالى أنه il nous a créé, il nous a donné, il nous a guidé ولله الحمد, et كذلك il nous a montré طرق الغي والفساد كما قال الشيخ سعدي رحمه الله. Pourquoi? لأن ça nous fera du mal في الدنيا قبل الآخرة. Dans ce bas monde, celui qui désobéit à Allah Azza wa Jalla, il se fera du mal. Et dans l'au-delà, encore plus. قال الشيخ سعدي رحمه الله فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانا بسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى الجحيم. ثم الشيخ سعدي رحمه الله ختم تفسير هذا الاسم avec هذا الدعاء العظيم. Ça nous montre أن من أسباب هذا التوفيق c'est الدعاء. Et من أسباب الرحمة والرأفة c'est الدعاء. Faire des invocations, demander à Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq qui nous facilite, demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne nous châtie pas à cause de nos péchés, demander à Allah azza wa jal qui nous pardonne, qui nous fasse miséricorde subhanahu. فَنَسْأَلُهُ تَعَلَىٰ يُتَمِّمْ عَلَيْنَا إِحْسَانَ. Et on demande كَذَلِكَ Allah subhanahu wa ta'ala al-mazid. لِأَنَّ Allah azza wa jal غَنِيٌ كَرِيمٌ. À chaque fois que tu lui demandes, Allah il te donnera. Et il peut te donner encore plus. Fais demande-lui. Demande-lui. Tu demandes à Al-Ghani Azza wa Jal, à mal être humain, plus tu lui demandes, plus Robama ça l'agace, plus Robama il ne te donne pas. Peut-être qu'il va te donner au début, et si tu demandes trop, il te repoussera. Hein, dans l'être humain, il a été créé. Am Allah Azza wa Jal, plus tu lui demandes, plus il te donne. Et plus il aime que tu lui demandes. Alors on ne doit pas tomber fi ghafla. Nous, on a un taqsir fi du'a. On a un taqsir kabir fi du'a. On ne demande pas assez. Et les gens, ils font passer les causes. Oh, ils font plus de causes que d'invocations. Et ça, c'est un khata kabir. On doit faire plus d'invocations que de causes. Et l'invocation, c'est une cause. Lakin, placer sa confiance en Allah Azza wa Jalla et espérer al-istijaba qui exauce notre dua, c'est quelque chose de très très important. Qala, bisuluk as-sirat al-mustaqim. Naam. Et ça, c'est... Ça c'est Azam Ni'ma, le fait de suivre le droit chemin, As-Surat al-Mustaqim, c'est l'Islam, c'est le Coran, c'est la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça nous montre que notre dua, principalement, il doit être par rapport à hadhihi al-ma'ani al-azima, et par rapport à notre dîn. On ne demande pas que dunya. On ne demande pas que des choses pour par rapport à ce bas monde. Là, Azam min dhalik demande à Allah Azza wa Jal yahdik. Allah subhanahu wa ta'ala yiftah alayk fi dunya ou l'akhira. Demande al-afiya wa salama min al-shurur. C'est pour ça que ad'iya al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-jami'a, souvent ça tourne autour de ces ma'ani. Aïe. Talab al-surat, al-suluk al-surat al-mustaqim wa salama min al-turuq al-lati tufdi bi salikiha ila al-jahid. Falihada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yukthir min qawlihi أسأل الله السلام والعافية وأسأل الله العافية هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والسلام من الطرق. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous préserve de tous les chemins التي تفضي بسالكها إلى الجحيم. Ça c'est une cause parmi les causes qui poussent en enfer, c'est هذه الطرق. وفي الحديث سبل, des chemins de l'bid'a ou de péché ou de mécréance, combien de sectes, combien de pensées, iyadam billah, tous ces chemins qui contredisent as-sirat al-mustaqim, c'est une cause qui pousse en enfer. فلهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار. Ça montre que l'bid'a c'est une cause pour rentrer en enfer. Et bien sûr, aqidat al-sunnah, أن هذه الفرق, tant que c'est des groupes et ça reste des musulmans, enfin même s'il rentre en enfer, ça ne sera pas éternellement. كذلك تأمل هذه فائدة عزيزة وتقدمت معنا أو مع بعض الإخوان أن الصراط للسيتي والسنجولي والسبل أو بلغيل. لماذا؟ لأن الحق واحد كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله. الصراط المستقيم إلى السنجولي يكون فوا تلا فوا في القرآن دل السنة. Avec la compréhension des salaf, une voix. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Attendez ce verset. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Il y a qu'une voix. Et connaître cette voix, c'est muhim. Lakin ça suffit pas. Falihada qala azza wa jalla fattabi'uh. Wa anna hadha sirati mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Hadha c'est un ikhbar pour te montrer qu'il y a une voix droite. Donc c'est lié avec l'ilm. Donc tu dois faire des efforts dans l'apprentissage. Tu dois faire des efforts dans l'apprentissage. C'est quoi hadha sirat? C'est le Coran, c'est le Sunna. Donc ça va demander un effort pour apprendre. Lakin ça ne suffit pas. Comme les gens connaissent cette chose, elle est halal. Ou cette chose, elle est obligatoire. Et ils ne la font pas. Comme les gens savent que cette chose, c'est haram. Il ne faut pas la faire et ils la font. Enfin, ils connaissent c'est quoi le sirat al-mustaqim. Si tu le demandes, Robama, il te cite la preuve. Lakin, obligé avec cette science, min amal. Wa anna hadha sirati mustaqiman, fattabi'uh. Al-ittiba', al-amal. Et dans l'autre verset, inna al-insana lafi khusr lil-ladina amanu wa 'amilu s-salihat. Lil-ladina amanu bimada? Billahi wa bi rusuli ila akhirah. C'est le sirat al-mustaqim, dinullah. Wa 'amilu s-salihat. C'est al-ittiba' fattabi'uh. Qala wa as-salama min at-turuq. At-turuq ila pluriel. Comme dans le hadith. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala wa hadhihi subul. Quand il a tracé un trait sur le sol pour montrer anna hadha siratullah, et sirat al-mustaqim, la voie droite, il y a un chemin faqat. Thumma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, à droite de ce trait qu'il a tracé, et à la gauche, et à sa gauche, il a tracé plusieurs traits pour montrer que c'est des voies d'égarement, yadam billah. Hada, il s'est garé dans sifat, hada, il s'est garé dans tawhid, hada, il s'est garé dans l'iman, hada, il s'est garé, yadam billah, dans le comportement, wa hakada. Et fait le haqiqa, hada, sirat, on le demande tous les jours. Lakin, ahyanan, on le fait rafla. Enfin, tous les jours, on demande, fait le fatiha, quand on récite le fatiha. Ihdina, sirat, al-mustaqim. Lakin, ad-du'a, parmi les causes pour que ad-du'a soit exaucé, il faut que l'insan soit bien sûr sincère et il faut que al-qalb soit hadir. Tu comprennes ce que tu dis. Et quand tu vas comprendre, là, chaque ton du'a ne va pas être comme une autre personne qui demande une chose et qui ne comprend pas. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أما ما يتعلق بآثار الإيمان بهذا الاسم, on en a cité quelques-uns. Et on citera أكثر بإذن الله عز وجل quand on étudiera ensemble اسم الرحمن والرحيم. Et بالجملة أي أن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم ويحب الرأفة والرحمة. Allah subhanahu wa ta'ala et l'aime la miséricorde et les miséricordieux envers ibadahu fa nahnu kadhalik irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama kadhalik anta tu dois avoir de la rafa et de la rahma pour les autres et ta'ammal qawluhu azza wa jalla qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufun rahim fa nabi sallallahu alayhi wa sallam raufun rahim وليس كمثله شيء عز وجل رأفة الله ورحمة الله سيد صفة الله عز وجل أما لتخمع كنت لا سأوصاف الله يحبها الله لا من رأفة لا دوسر الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم combien il a patienté عليه الصلاة والسلام combien il a donné combien de fois il a conseillé il s'est sacrifié dans beaucoup de choses pour ses suiveurs pour ses frères من المؤمنين وهكذا نحن. Vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala ra'oufun rahim et il aime هذه الأوصاف, on fait des efforts et هكذا notre guide نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ra'oufun rahim et on le suit في هذا الباب العظيم. Et tout ça بإذن الله كما تقدم, on le détaillera quand le prochain dars inshallah اسم الرحمن والرحيم. قال عليه رحمة الله الرافع الخافض. نعم تقدم معنا هذا في عند اسم الله عز وجل الباسط. كيف كنا بدي هذه الأسماء الرافع والخافض من حيث الإثبات ماذا قلنا؟ هذان الأسماء لا نثبت لله عز وجل. نعم لا نثبت هذين الاسمين لله عز وجل. لماذا؟ لأن on a pas de دليل. أما من حيث الوصف المعاني كالشيخ سعدي لاسيتي فلا شك أنها صحيحة. توسع تقدم معنا ونادي عند اسم الباسط وديبو جوليو. قال رحمه الله الرب, وهذا الاسم كما قال الشيخ سعدي قد تكرر اسم الرب في آيات كثيرة أكثر من 500 مرة plus de 500 fois في القرآن اسم الرب لنو الرب. قال والرب Et il a cité un dalil fil hashiya, qala ta'ala, qul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay. Na'am. Et beaucoup de adilla fi hadha. Qala wa rabb huwa al-murabbi jami' ibadahu bit tadbir wa asnaf an-ni'am. Wa rabb huwa al-murabbi jami' ibadahu bit tadbir wa asnaf an-ni'am. Al-murabbi, ça vient du mot tarbiya. Vous connaissez tous le mot tarbiya, l'éducation. Hada yurabbi walada. At-tarbiya lil awlad. Fallah subhanahu wa ta'ala, c'est le murabbi li jami' ibad. C'est lui qui a éduqué tous ses ibad. Bimada bit tadbir wa asnaf an-ni'am. Et c'est lui qui gère tout. Et kadhalik an-ni'am. Et c'est lui qui donne à ses serviteurs. Enfin, tu as deux choses. Tu as at-tadbir et puis al-ata. At-tadbir, c'est le fait de gérer, et al-ata, c'est le fait de donner. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il gère tout, et c'est lui qui donne. Donc, c'est al-Rabb subhanahu. Et fait le haqiqa, quand ism al-Rabb, il est cité, enfin, toutes les sifat, elles reviennent au Rabb. Enfin, al-Rabb, c'est l'aziz, c'est l'hakim, c'est le sami', c'est le basir, c'est le hay, c'est le qayyum. Et toutes les sifat et tous les noms, ils reviennent à hada al-ism. Qala rahimahullah, وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم وبهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل. نعم كما في الحديث يا رب يا رب. قال لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. Donc il y a une tarbiya amma et une tarbiya khassa. C'est comme ce qu'on vient de citer. Dans quelle mas'ala? Au début du cours, amma wa khassa. Ah, na'am. Al-ikram al-am wa al-khass. Kadhalik al-hidaya al-amma wa al-khassa. Kadhalik al-rahma al-amma wa al-khassa. C'est la même chose. Quand c'est am, c'est pour toutes les créatures. Quand c'est khass, c'est que pour les croyants. Fahuna, at-tarbiya al-amma, c'est pour toutes les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a guidé les animaux, qui a guidé les kuffars, qui a guidé les croyants, qui a guidé tout le monde, qui a créé tout le monde. Maintenant, cet animal, il sait comment manger. Il sait comment se reproduire. Les kuffars, كذلك. Qui c'est qui leur a appris tout ce qu'ils connaissent? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est min tarbiyatillahi l'amma. Thumma, il y a une tarbiya khassa, c'est que pour les croyants. Qala, wa huwa alladhi lahu jami' ma'ani ar-rububiyya. Ou, qabla dhalik, on revient, li'annahum yatlubuna minhu hadhihi at-tarbiya al-khassa. Na'am. Aïe. Allah subhanahu wa ta'ala yasluh shu'un ibadihi. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a donné l'ilm à hada, c'est lui qui a donné l'ilm à hada, c'est lui qui a guidé un tel, c'est lui qui a élevé un tel. Tout ça c'est min tarbiyatihi al-khassa jalla wa ala. Qala wa huwa alladhi lahu jami' ma'ani ar-rububiyyah allati yastahiq an yu'allah li ajliha wa hiya sifatul kamal كلها والمحامد كلها له والفضل كله والإحسان كله وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم فالربوبية سمين دو نو الرب. يتقدم معنا كثيرا dans les دروس de التوحيد et de العقيدة أن الربوبية الرب من له ماذا. Souvent on a cité hada. Man lahu tadhkurun. At-tawhid al-rububiyya c'est quoi? Hein? Lahu al-mulk. Hein? Al-mulk wal-khalq. Wal-khalq. Wal-tadbir. Wal-tadbir. Ahsantum. Al-mulk wal-khalq wal-tadbir. C'est avec ces ma'ani que tu vas comprendre hada al-ism. Farrab, c'est celui qui a tout créé. Al-khalq. Kadhalik, c'est celui qui possède tout. Al-mulk. Et kadhalik, c'est celui qui gère tout. Tout ce qui se passe fi hada al-kawn, c'est bi-idni al-rab azza wa jal wa bi-qudrati. Allah, il a voulu que telle chose, elle se passe. Si une chose, Allah, il ne veut pas qu'elle se passe, elle ne se passera pas. Qala, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. Et dans ce sifat, Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne lui ressemble. فلهذا قلنا أن toutes les sifat, elles reviennent à هذا الاسم العظيم. فالرب الحي القيوم إلى آخره. قال لا بشر ولا ملك بل هم جميعا عبيد مربوب لربهم بكل أنواع الربوبية مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته فلا ينبغي أن يكون أحد منهم ندا ولا شريكا لله في عبادته وألوهيته. هنا الشيخ سعدي رحمه الله إلى الستة آثار هذا الاسم أو من آثار هذا الاسم. Si on reconnaît, on a la conviction أن الله عز وجل c'est le Rab, c'est le Créateur. C'est lui qui possède tout, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, c'est lui qui guide, c'est lui qui égare qui il veut. عز وجل. Tout ça, ça va impliquer من العب أنه يدوى أدوغي الله عز وجل seul. لا بشر ولا ملك. لماذا؟ لماذا on n'a pas le droit d'adorer un bachar? Même si ce bachar, il a un niveau très très élevé dans la guidée, dans l'ilm, même si c'est un prophète. Kadhalik, un ange, on n'a pas le droit le malak. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le malaika. Limadha li anna celui qui mérite l'adoration, c'est Rabb wahda. Qala, bal hum jami'an abidun marbouboun. Et cette différence, elle est très très importante dans notre dîn. فَهُنَاكَ رَبٌ et مَرْبُوب. الرَّب, c'est le créateur, et مَرْبُوب, c'est les مخلوقات. Et c'est ceux qui ont été créés par ce رَب. L'adoration, c'est pour le créateur. Amin Huna, tu comprends encore mieux l'égarement de ceux qui adorent autre que Allah Azza wa Jal. Ils adorent des ibad, des du'afa. Ils adorent des personnes qui ne créent pas, qui ne gèrent pas, qui ne possèdent rien. Et ça, ça montre, avec la mécréance et le shirk ou le kufr, ça montre as-safaha. Qala bi kulli anwa' ar-rububiyya maqhurun khadi'un. Maqhurun. Taqaddam ma'ana dans certains noms. Wa cette ma'ana ta'ti ma'ana inshallah inda ism al-qahhar. Et on en a déjà parlé. Ism al-jabbar, na'am. Khadi'un. مقهورون أي كما قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده مقهورون أي on est tous تحت حكم الله عز وجل. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide qu'un tel il doit mourir, il mourra, il ne pourra pas avancer, reculer. Abadan. Si Allah il décide que dans tel endroit la pluie elle ne tombe plus, elle ne tombera plus. Et l'abdi ne peut rien faire في هذا الحال. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال خاضعون لجلاله وعظمته. خاضعون أي ils sont soumis, ne peuvent rien faire que si Allah subhanahu wa ta'ala il veut. فلا ينبغي أن يكون أحد منهم ندا ولا شريكا. Si tu as compris هذه المعاني العظيمة, ce serviteur qui est تحت حكم الله, qui est soumis à Allah, qui ne peut rien faire, on n'a pas le droit de l'adorer. On doit adorer celui qui l'a créé, Allah Azza wa Jal. قال فبربوبيته سبحانه يربي الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرا وإحياء وإماتة. Ça, ça nous montre la tarbiya al-amma. Tarbiya al-amma, c'est pour tout le monde, on a dit. Cette tarbiya, c'est quoi? C'est le khalq. Allah, il les a créés, أولا. ثم Allah, subhanahu wa ta'ala, razaqahum. Tout le monde. Les animaux, les croyants, les mécréants, tout le monde profite de هذا الرزق. Tout le monde respire, tout le monde boit, tout le monde mange. قَالَ وَتَدْبِيرًا أي Allah il gère tout. Maintenant, est-ce qu'un être humain il peut stopper la marche du soleil, le déplacement du soleil? أبداً. Le soleil il se déplace. Et personne ne peut arrêter. Est-ce que quelqu'un peut stopper la venue de la nuit ou du jour? أبداً. قَالَ وَإِحْيَاءً وَإِمَاتَةً أي Allah il fait vivre qui il veut et il fait mourir qui il veut. قال وهم يشكرونه على ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده وهم أي عباده المؤمنون أما الكفر لا يشكرون. Tout le monde profite de هذه التربية. Et ceux qui sont reconnaissants, c'est المؤمنون. Et cette reconnaissance, elle est بماذا؟ Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui nous a donné, c'est lui qui nous a tout facilité. On peut se poser la question, comment être reconnaissant? C'est avec هذا. قال بإخلاص العبادة كلها له وحده. Celui qui veut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas avec la langue فقط, C'est pas avec des prétentions, c'est pas avec une étiquette, c'est avec at-tawhid. Adore Allah Azza wa Jal seul, tu seras reconnaissant. Celui qui n'adore pas Allah Azza wa Jal seul, voilà où il a un bon comportement, voilà où il est des pauvres, voilà où il est des orphelins, voilà où il fait ce qu'il veut, c'est un kafir billahi Azza wa Jal. Il n'est pas reconnaissant. Qala fayu'allihuna, fayu'allihuna. Naam, ça vient du mot ilah, fayu'allihuna ay ya'buduna. ولا يتخذون من دونه وليا ولا شفيعا فالإلهية حق له سبحانه الإلهية ça ressemble au mot al-ubudiyya et l'adoration le droit d'être adoré c'est Allah حق لله عز وجل وحده قال على عباده بصفة ربوبيته donc Cheikh Saadi rahimahullah أولاً il a expliqué le sens de الرب الرب c'est الخالق المالك المدبر Et Ar-Rabb, c'est celui alladhi rabba jami' ibada avec des ni'am. Thumma at-tarbiya elle est en deux catégories. Amma, tout le monde en profite. Et khassa, c'est que pour les croyants. Allah rabbahum, il leur a montré la voie du droit chemin. Ça, c'est une tarbiya. Quelqu'un qui te montre une chose, fayurabbik. Fa Allah subhanahu wa ta'ala rabba ibadahu al-mu'mini. Thumma, il a cité al-thamar. Et c'est ça. On a dit, le plus important, c'est de connaître le sens et ce que ça implique. Et par rapport à toi, tu connais le sens, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu connais le sens de Rabb, tu dois l'adorer. Seul, Azza wa Jal. Mais ceux qui adorent, autre que Allah Azza wa Jal, que ce soit un wali, que ce soit Sidi Fulan, comme il les appelle, que ce soit un shir, que ce soit un ange, que ce soit un vivant, un mort, هذا في الحقيقة مع كفره C'est de la grande mécréance. Kadhalik, s'il prétend aimer le Rabb et connaître le sens de Hadal Ism al-Azim al-Rabb, il se contredit. Et si c'est un ignorant, si quelqu'un lui montre, fayajib alayhi al-tawba al-khalisa lillahi azza wa jal. Et min azar al-iman bismihi subhanah al-Rabb, il a cité plusieurs points et parmi ces points, qala al-iqrar bi rububiyyatillahi azza wa jal. يقتضي ويستلزم توحيد الله عز وجل وعبادته لا شريك له celui qui reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Rabb il doit l'adorer et c'est tous les durus qu'on a fait في التوحيد خاصة القواعد الأربع وكشف الشبهات et le fait de connaître توحيد الربوبية ça suffit pas لابد من الإيمان بألوهية الله عز وجل et كذلك l'adorer et في الحقيقة اسم لفظ الجلالة الله c'est توحيد الألوهية le fait d'adorer Allah et الرب c'est توحيد الربوبية en étudiant ces deux noms Allah et الرب tu étudies توحيد الربوبية توحيد الألوهية et le lien entre les deux noms ثم il a cité des adilles على هذا قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون le verset il est clair أن الله عز وجل أمر جميع الناس يا أيها الناس ça c'est pour tous les êtres humains اعبدوا ربكم Adorez votre Rabb. C'est qui Rabb? On n'a plus besoin de traduire par Seigneur ou ces mots. En langue française, si tu viens à chercher le mot Seigneur, c'est des ma'ani fasida. Et bien sûr, les traducteurs, ils l'ont traduit par rapport au Rabb. Lakin, talabat al-ilm, celui qui veut avancer dans son dîn, on a déjà conseillé, on le répète, les livres traduits en français, ce n'est pas une solution. Surtout, هذا الباب العظيم, les noms d'Allah. أو ما يتعلق بقواعد الأسماء والصفات إلى آخره هذا الباب traduit لا شك on est tous d'accord ça sera jamais comme la langue arabe et c'est pas suffisant ça peut être utile si la traduction elle est bien faite des sens pas mot à mot pour le débutant vraiment le débutant et qui n'a pas la capacité d'apprendre la langue arabe et il est dans un endroit où il n'y a pas de cours إلى آخره يطلب من الله عز وجل الإعانة au départ il lit ses livres et son objectif ça doit être très rapidement de faire des efforts pour apprendre son dîn et celui qui n'a pas de ilm dans sa ville il n'a pas de durud il se déplace et demande à Allah Azza wa Jal at-tawfiq traduire Ar-Rabb par Seigneur on n'a pas besoin de هذا تأمل les معاني qu'on vient d'expliquer Ar-Rabb c'est Al-Malik Al-Mudabbir Al-Muhyi Al-Mumit Al-Khaliq Quand tu entends Seigneur, est-ce que tu penses à هذا? Tu penses pas à ces choses. Tu penses Seigneur, Robama Bardom, ils vont penser au Créateur. Et ça va s'arrêter là. Les ma'ani, elles sont très très restreintes. Mais en langue arabe, là, Rab, ça vient du mot At-Tarbiya. Vous avez remarqué qu'il y a une ressemblance avec le mot Rab. Al-Murabbi. Ça ressemble au mot Rab. Et avec toutes les ma'ani, mais Idnillahi Azza wa Jal, c'est de Stavid, Akthar. Et on a déjà conseillé Fihada Kathiran. Faqawluhu, Ya Ayyuhanna su'budu Rabbakum. Entre nous, on n'a pas besoin de traduire. On ne va pas traduire « Ya Ayyuhannas, adorez votre Seigneur ». On n'a pas besoin de « Hadha nahn ». Si c'est un débutant et l'akhir, on lui explique « Falhamdulillah ». Wa illa va. Entre nous, on n'a pas besoin de « Hadha ». « Abudu Rabbakum » et on sait ce qu'est « Rabb ». Et on est, alhamdulillah, capable de l'expliquer. Et c'est le but de nos durous. Et la cité kadhali, « Qawluhu Azza wa Jal, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqoon ». Aya. Très très courte, lakin عظيمة في المعنى أيشركون ما لا يخلق أي أسكي دن دي أسوسي الله عز وجل يشركون ما لا يخلق ça, ça nous montre أن celui qui ne crée pas il ne mérite pas l'adoration même si c'est un prophète même si c'est un ange et ولله الحمد les prophètes et les anges ils sont pas d'accord ils détestent ceux qui les adorent من دون الله لكن pour montrer aux ignorants لأن بعض الناس comme on a vu dans كشف الشبهات ils ont une شبهة خطيرة ماذا يقولون. Ils disent, lakin il a un fadl ind Allah. Allah il l'aime. Il a un haut rang, c'est un wali, c'est un prophète, c'est un ange. Walaou. Celui qui mérite l'adoration, c'est le khaliq. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun. Est-ce qu'ils vont adorer une créature? Hada ma'na al-aya. Ayushrikuna ma la yakhluqu. Ils vont adorer une chose qui ne crée pas. Et cette chose elle-même elle est créée. Ça c'est min as-safaha. Tu adores le créateur. Amma la créature elle a des huquq. Elle a des droits. Lakin, le droit d'adoration, c'est que Allah Azza wa Jalla. Ma haqq Allah ala al-ibad an ya'buduhu la yushriku bihi shay'an. Amma al-'abd, n'am, il a des huquq. Matalan, un prophète, notre prophète Muhammad Aïssa wa sallam, il a des huquq. On l'aime. On doit le suivre. On doit l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos enfants. Il a akhiré. Lakin, haqq العبودية سكل الله عز وجل أي الادوراسيون سكل pour الله سبحانه كذلك قوله عز وجل فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون تأمل قوله أفلا تذكرون بوكو الله سبحانه وتعالى après avoir cité أنه c'est lui qui mérite l'adoration seul لأنه c'est le créateur il cite عز وجل قوله أفلا تذكرون فمن يخلق كمن لا يخلق لأن celui qui adore autre qu'Allah, il a la conviction que c'est un créateur. C'est le créateur qui mérite l'adoration. Est-ce que celui qui crée et celui qui ne crée pas, ils sont égaux, ils sont semblables? Celui qui crée, c'est le créateur. Celui qui ne crée pas, c'est un abd. Thumma ce abd, on regarde. Si c'est un musulman, il va avoir des droits. Si c'est un ange, il a des huquq, on l'aime. Si c'est un prophète, il a des droits, il a des huquq. Si c'est un voisin, il a des droits. Chacun a sa place. Certains on les aimera, certains on les détestera. Amma Allah subhanahu wa ta'ala fa haqquhu 'azim, c'est Rabb, c'est lui qui mérite l'adoration seul. Enfin, celui qui a compris ma'na hadha al-ism anna Allah 'azza wa jalla c'est Rabb, enfin, ça doit impliquer quelque chose de 'azim et c'est l'adoration et c'est ça ma'na la shahada que chaque musulman doit dire. Ashhadu an la ilaha illa Allah ay أن الله عز وجل c'est lui qui mérite l'adoration لأنه c'est le خالق. أما celui qui se limite et il pense que le fait de reconnaître Allah en tant que créateur ça suffit pour être un mu'min, là c'est من أجهل الجاهلين. Et tout ça ولله الحمد on l'a étudié détaillé ensemble dans nos durus de tawhid. نكتفي بهذا et on passe à notre deuxième durs inshallah ta'ala. Donc on a vu ensemble aujourd'hui trois noms. Dhul Jalal wal Ikram wa Ar-Ra'uf. Dhul Jalal wal Ikram al-ma'ani sahla. Wa taqaddamat ma'ana fi ism al-Jalil wa ism al-Karim. Wa huna Dhul Jalal wal Ikram ay al-mustahiq lil Jalal wal Ikram. Celui qui mérite al-Jalal wal Ikram et kadhalik alladhi yukrim ibadah. Celui qui donne à ses ibadah. Wa Ar-Ra'uf ça ressemble à Ar-Rahman et Ar-Rahim ay Dhul Ra'fa. Et Ar-Ra'fa, c'est Ar-Rahma. Bel, c'est Shadid Ar-Rahma. Comme qu'a dit Ahlul Lugha, Ar-Ra'fa, Ashad Ar-Rahma, plutôt. Et on a vu ensemble Ar-Rab, Et Rabb, c'est Al-Khaliq, le créateur, Al-Mudabbir, celui qui gère tout, et Al-Malik, celui qui possède tout, Azza wa Jal. Et le prochain cours, bi-idhnillah, on commencera l'étude de Ism Ar-Rahman wa Ar-Rahim.